ciel en enfer, et l'enfer au fond de la mer. La terre est maintenant bien petite, mais elle a la valeur d'une pépite. Il surgit pour découper dans la terre au couteau les limites de tous les créateurs d'empires immobiles.